La science CQFD, Natacha Trioux. D'ici 2050, 10 millions de Français souffriront d'arthrose. Or, à ce jour, aucun traitement curatif n'est disponible. Quelles sont les pistes thérapeutiques à l'étude ? Invalidante et particulièrement douloureuse, elle touche différentes tranches d'âge et pas seulement les personnes âgées. En France, 4,6 millions de personnes sont concernées. Cette maladie articulaire complexe s'apprête à devenir encore plus fréquente. Un problème de santé publique, d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas la soigner, mais seulement soulager la douleur. Quelles sont les pistes à l'étude qui pourraient résoudre les causes de l'arthrose pour enfin proposer aux patients un traitement de fond ? Mignonne, allons voir si l'arthrose... Claire Vinatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheure à l'Université de Nantes, au labo INSERM Hermès, médecine régénératrice et squelette. Francis Berenbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de rhumatologie au CHU Saint-Antoine de la PHP et vous dirigez une équipe INSERM dédiée à l'arthrose. Et à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Yann Cornillier. Bonjour Yann. Bonjour, c'est Natacha. Vous êtes rédacteur en chef de la revue de l'INSERM, dont le dernier numéro est consacré aux maladies articulaires. Et vous co-animerez cette émission avec moi, une émission en partenariat avec l'INSERM. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre donc sur les ondes, mais aussi sur Twitter pour notre live tweet. C'est tout de suite @sciencecqfd. Alors jusqu'à 17h, nous chercherons donc à mieux comprendre cette pathologie. Et nous parlerons donc des recherches en cours qui visent à étudier cette maladie pour en développer des soins. On commence avec notre archive du jour et une idée reçue. Quand on pense arthrose, on pense vieillissement. Nous sommes en 1981. On a que l'âge de ces artères, c'est bien connu, mais c'est tout aussi vrai pour les articulations. 5 millions de Français souffrent de rhumatisme, 5 millions. Un Français sur trois risque de devenir rhumatisant un jour ou l'autre. Un congrès de rhumatologie est réuni en ce moment à Paris et les spécialistes venus du monde entier sont d'accord au moins sur un point. L'âge n'est pas ou plus le seul responsable. Pour les spécialistes, la théorie de l'arthrose due au vieillissement a fait son temps. C'est ce qu'a expliqué à Germaine Bartoli un rhumatologue, le professeur Louis Auquier. On l'a cru longtemps. En fait, on se basait sur les constatations des radiologues qui montraient, qui montrent toujours, que les lésions anatomiques et radiologiques augmentent avec l'âge lorsqu'on radiographie une population prise au hasard. Mais on s'est aperçu récemment que les douleurs, ce qui préoccupe les malades, les douleurs finalement ne sont pas en corrélation avec ces images radiologiques. Au contraire, elles apparaissent chez certains sujets vers le milieu de la vie et très souvent disparaissent ensuite. De sorte que on ne peut pas faire une corrélation entre le vieillissement et l'arthrose. On pense aujourd'hui que ce sont deux choses différentes. Mais c'est pas désespéré. Les gens croient qu'ils vont souffrir jusqu'à la fin de leur jour et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans beaucoup d'affections arthrosiques, il y a une période douloureuse, souvent gênante, longue, désagréable, et puis les choses s'arrangent. Grâce au traitement et aussi grâce à la bonne nature. Francis Berenbaum, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Je vous vois que cette archive vous fait réagir. Ah oui, non, elle est... Franchement, je la connaissais pas cette archive, elle est quand même extraordinaire. Donc, c'est tout à fait juste de dire que ce n'est pas une maladie des personnes âgées, que c'est pas une maladie uniquement des vieux. La preuve, c'est que la maladie s'est rajeunie en l'espace de 15 ans. Avant, la moyenne était à 72 ans. Maintenant, la moyenne est à 57 ans. Et ce rajeunissement de la maladie est lié essentiellement au fait que les gens ont pris du poids. Et l'obésité est le facteur de risque majeur d'arthrose aujourd'hui. Alors évidemment, ça reste une maladie liée à l'âge, mais on voit bien que c'est venu se surajouter ce problème-là. Et de dire que, quelque part, un peu, on en guérit. Alors là, je pense que c'était très très optimiste et maintenant qu'on a beaucoup plus de recul, malheureusement, c'est pas souvent le cas malgré tout. Voilà. Claire Vinati, on va revenir sur les facteurs de risque, bien évidemment, mais vous aussi, je voulais réagir à cet extrait sonore. Oui, alors il y a quand même quelque chose qui reste vrai dans ce reportage, c'est que le signe qui amène les gens à consulter, c'est la douleur et ça, c'est toujours d'actualité. Donc c'est vraiment ça n'a pas changé, c'est vraiment ce qui fait que les gens vont venir consulter. Mais l'autre chose qui est notée, c'est le fait de effectivement dissocier là, j'ai l'arthrose, on va dire que ce n'est pas le seul facteur et ce n'est pas le seul responsable de l'arthrose. Pour autant, le vieillissement participe quand même à l'évolution de la maladie. Donc, voilà. Yann Cornillet, vous aussi, une réaction? Oui, mais ce qui est juste aussi, c'est qu'il montre, en termes épidémiologiques, combien de personnes sont concernées et seront concernées par l'arthrose dans les prochaines années. Et effectivement, actuellement, on a presque un Français sur 10 qui est concerné par l'arthrose. Et il faut savoir que, selon une étude australienne, sur les 30 dernières années, il y a eu l'incidence mondiale a augmenté de 48% sur les 30 dernières années. Donc c'est vraiment énorme. 48% en effet, pourquoi, on peut revenir aussi, pourquoi une belle augmentation? La prévalence est aussi en augmentation en France, Francis Berenbaum. Oui, non, vous savez qu'aujourd'hui, quand un enfant naît, un bébé naît, il a une malchance sur deux de développer une arthrose du genou. Une malchance sur deux, c'est énorme. Et le chiffre qui m'impressionne le plus, c'est le fait que 1 sur 10 aura une prothèse totale de genou. Moi, c'est des chiffres qui me font très peur parce que on n'imagine pas pour le moment aujourd'hui ce chiffre s'améliorer, mais plutôt s'aggraver parce que justement il n'y a pas de solution et on va y revenir. Mais je pense que ces chiffres-là sont extrêmement marquants. Il faut les garder en tête pour se dire que là, on a un vrai problème de santé publique. Oui, c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire qu'en France, Claire Vinatier, il y a une prise de conscience qui n'a pas eu lieu. Oui, c'est-à-dire qu'on considère, l'arthrose n'est pas du tout considérée comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer en termes de montant de financement, c'est sûr, mais aussi dans la population générale, ce n'est pas à l'heure actuelle considéré comme une maladie qui va augmenter la mortalité. Or, c'est le cas. Oui, c'est-à-dire que c'est une maladie qui a des implications assez graves justement chez les patients. Oui, c'est... Et ça, je crois qu'on ne l'a pas en tête, en tout cas dans de nombreux pays. Aux États-Unis, ça évolue dans cette compréhension et connaissance de voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une arthrose du genou, une arthrose de hanche, et que du coup on a des difficultés pour marcher, eh bien en fait, on devient sédentaire. Et il y a des très très grandes études, des très bonnes études dans les meilleures revues scientifiques qui montrent que lorsque l'on a une arthrose du genou ou de la hanche qui en gêne à la marche, on augmente sa mortalité cardiovasculaire de 50%. 50%, c'est pas un petit peu. Hein. Et en fait, on n'augmente pas que la mortalité cardiovasculaire, on augmente les cancers, on augmente les démences. Et quand on demande à un cardiologue, à un diabétologue, les messages qu'il délivre, c'est « il faut bouger, il faut de l'activité physique, on va y revenir ». Les patients leur disent « j'aimerais bien bouger, mais j'ai de l'arthrose. Et comment je fais ?» Et c'est la raison pour laquelle on voit cette augmentation de cette mortalité cardiovasculaire. Donc, les Américains, pourquoi je dis que ça évolue? C'est parce que l'Agence américaine du médicament, prenant conscience de cela, a décidé depuis 2018 que l'arthrose était une maladie grave, ce qu'ils appellent les « severe conditions ». Et ça, c'est un impact énorme aux États-Unis. À partir du moment où une maladie a cette étiquette « maladie grave », au même titre que « cancer » ou autre, eh bien... ils feront tout pour accélérer le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine. Donc il faut vraiment prendre conscience de cette gravité. C'est une maladie grave, c'est pas de la cosmétique. On n'est pas en train de parler de cosmétique, on n'est pas en train de parler un peu de douleur. Vous savez, l'adage « puisque j'ai mal, c'est que je suis en vie hein, ». Vous savez ça, c'est l'adage « bon, donc ça va ». Non, c'est pas ça, c'est un vrai problème. Maladie grave, on détricote un pas mal d'idées reçues tout de suite, une maladie grave qui ne touche pas que les seniors. Quelle est la définition scientifique de l'arthrose, Francis Berenbaum? Alors, pendant longtemps, l'arthrose, c'était la maladie du cartilage. D'ailleurs, même avant, c'était pas la maladie, c'était de l'usure. On s'usait, voilà, les articulations s'usent. Et puis après, on est passé à un stade... On s'est dit, voilà, il y a quand même une maladie, mais c'est le cartilage, en fait. Le cartilage qui va faire en sorte qu'il va disparaître. Maintenant, on a une autre vision de la maladie, où on considère que l'arthrose est une maladie de toute l'articulation. Et une articulation, c'est composé d'os, c'est composé de cartilage, c'est composé d'une membrane qu'on appelle la membrane synoviale, et qui est là pour produire un peu de lubrifiant pour l'articulation. Tous ces tissus-là, en fait, font partie de l'explication de la maladie. Claire Vinatier. Oui, il faut effectivement voir l'articulation comme un organe qui est composé de plusieurs tissus et qui vont dialoguer les uns avec les autres, soit de façon correcte dans le cas de la physiologie normale de l'articulation, ou bien lorsque un des tissus est atteint, ça va avoir des répercussions sur les autres tissus de l'articulation et sur l'ensemble du fonctionnement de celle-ci. On vient d'évoquer les comorbidités liées à l'arthrose, mais quelles sont les manifestations de cette maladie et ses symptômes? En fait, il y a deux mots clés pour la douleur, pour l'arthrose, vous voyez le lapsus, c'est douleur. Et le deuxième mot clé, c'est enraidissement de l'articulation. D'accord? Donc, il y a de la douleur, il y a de l'enraidissement. Donc, quelle que soit la localisation, la première, c'est le genou, la deuxième, c'est la hanche avec les mains, et puis il y a évidemment aussi de l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale, mais en fait, ça va provoquer de la douleur et de l'enraidissement. C'est ce qui va aboutir au problème. Claire Vinatier? Oui, alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint ces stades de douleur et d'enraidissement, on a déjà finalement atteint un degré d'avancement de la maladie qui, quelquefois, et actuellement, nous n'avons pas de solution lorsqu'on a atteint ces stades-là. On a parlé, on a évoqué ensemble la sédentarité, l'obésité. Il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été identifiés. Je veux bien qu'on revienne sur ces facteurs-là pour comprendre cette pathologie, Francis Berenbaum. Oui. Alors, prenons l'obésité, par exemple. Donc, l'obésité, c'est du surpoids sur les articulations. Et donc, évidemment, avec le côté mécanique de l'affaire, eh bien, on va accentuer et aggraver le problème de l'arthrose ou même la déclencher. Mais on s'est aperçu, il y a quelques années, que les personnes qui étaient obèses avaient deux fois plus de risques de faire de l'arthrose des mains. Et on ne marche pas sur nos mains. Et donc, du coup, il a fallu réfléchir à d'autres explications en plus de cet aspect mécanique. Et l'explication, ça a été que si ça se trouve, en fait, on sait que le tissu gras, eh bien, produit de l'inflammation. Cette inflammation, c'est des molécules de l'inflammation qui vont circuler, qu'on appelle des adipokines, et ces molécules de l'inflammation vont aller jusqu'aux articulations et favoriser l'inflammation de l'articulation et accentuer ou développer une arthrose. En plus de ça, on s'est aperçu que lorsqu'on a de l'obésité, mais qu'en plus on a d'autres facteurs métaboliques, vous savez, le diabète, l'hypertension, tous ces facteurs métaboliques qui augmentent le risque cardiovasculaire, quand on a en plus de ça du diabète, de l'hypertension, une dyslipidémie, eh bien, on aggravait encore plus l'arthrose, indépendamment du poids. Et donc, c'est là où on s'est dit, finalement, il y a également des facteurs métaboliques qui vont intervenir, même si aujourd'hui, on ne comprend pas encore exactement comment ils interviennent. Pour le diabète, un petit peu mieux. Pour l'hypertension, pas encore très bien. Mais en tout cas, c'est les recherches actuelles de comprendre comment ces facteurs métaboliques vont également être impliqués dans la physiopathologie de l'arthrose. Claire Vinatier, sur ces facteurs de risque? Oui, alors les facteurs métaboliques, c'est effectivement un facteur de risque assez important. Et c'est notamment aussi montré que les tissus eux-mêmes, dans le processus du développement de la maladie arthrosique, vont avoir une perturbation métabolique en dehors même aussi d'avoir une obésité. Donc même le processus lui-même joue sur le métabolisme cellulaire. Yann Cornillier? Oui, c'est là aussi où on peut dire que ce n'est pas dû juste à une usure, l'arthrose, mais aussi tout un processus biochimique, on va dire, dans le corps humain, qui va influencer l'inflammation de l'articulation et la détériorer au fur et à mesure. Et c'est là aussi où ça ne disparaît pas, comme par magie, en fait, comme vous pouvez le dire dans le reportage. Donc c'est vraiment tout un mécanisme de facteurs pathologiques au-delà de l'arthrose qui font que l'articulation va se dégrader au cours du temps. Ouais, il y a des facteurs, oui. Des facteurs liés au mode de vie. Exactement, parce qu'il y a un autre facteur de risque majeur que sont les traumatismes. Il ne faut quand même pas oublier que si on se fait un accident de ski à 20 ans, qu'on a un problème de ménisque, du coup on opère, on retire le ménisque par exemple, on sait que dans les 10 ans qui suivent, il y a un risque sur deux de développer une arthrose sur cette articulation. Un risque sur deux. Et donc, on a 20 ans, accident de ski, arthrose à 30 ans. Donc, vous voyez, l'origine traumatique peut aboutir à des arthroses extrêmement jeunes. Puis l'autre facteur de risque, ça reste quand même le vieillissement, et qui est très étudié, en particulier dans le laboratoire de Claire Vinatier, sur tout ce qui est ce qu'on appelle la sénescence. Hein, c'est-à-dire le fait que les tissus vieillissent, les cellules vieillissent, et en vieillissant, ces cellules, elles se mettent à réagir différemment, et peut aussi intervenir dans le processus arthrosique. Claire. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'un de mes axes de recherche, c'est justement d'étudier les processus de vieillissement et de voir comment, en agissant sur ces processus de vieillissement, on pourrait influencer le développement de la maladie de façon positive, bien sûr. Et c'est vrai que les processus qui sont étudiés sont la sénescence d'un côté, donc qui est une transformation des cellules qui vont arrêter de proliférer, résister pour autant à la mort et se mettre à sécréter un grand nombre de facteurs, dont des facteurs pro-inflammatoires et qui vont aller propager cette sénescence aux cellules avoisinantes. Donc on a un effet de propagation de façon progressive lié à ce processus-là. Donc normalement, ces cellules sénescentes, elles sont reconnues par le corps, par le système immunitaire et elles sont éliminées. Sauf que avec l'âge, le système immunitaire devient un petit peu moins efficace et on a une accumulation de ces cellules. Et donc les pistes thérapeutiques qui visent ce processus-là, il y a deux pistes thérapeutiques. On appelle des composés qu'on dit sénolytiques, donc qui vont tuer les cellules sénescentes, ou bien des composés sénomorphiques, donc qui vont essayer plutôt d'agir sur les facteurs qu'elles sécrètent, essayer de modifier ces facteurs pour en limiter la propagation. Alors, ces dernières années, de nombreux médicaments ont été évalués contre l'arthrose, sans succès. Ces échecs à répétition pourraient s'expliquer par l'existence non pas d'une arthrose, mais de plusieurs arthroses avec des processus physiopathologiques différents. Quelles sont ces physiopathologies de l'arthrose? On répond à cette question dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h16 sur France Culture, nous parlons de l'arthrose aux côtés de Claire Vinatier et Francis Berenbaum. Une émission partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. Nous venons de voir à quel point cette maladie complexe, cette usure des articulations est répandue en France. Au niveau physiologique, comprendre l'arthrose, c'est se pencher sur l'anatomie des articulations, leur fonctionnement, leur potentiel de réparation. Est-ce qu'on peut faire, Francis Berenbaum, est-ce qu'on peut faire ensemble voilà, un petit point anatomique pour bien comprendre ces zones-là? Oui, alors... Donc, une articulation, c'est quoi? En fait, c'est deux extrémités osseuses qui sont recouvertes de cartilage. Ces deux extrémités osseuses recouvertes de cartilage sont entourées d'une capsule. Ce qui fait qu'en fait, une articulation, c'est une sorte de chambre fermée, un peu. Et à l'intérieur de cette capsule, comme un papier peint sur un mur, si vous voulez, il y a une membrane qu'on appelle la membrane synoviale et qui va donc produire un petit peu de lubrifiant qu'on appelle le liquide synovial pour cette articulation. Le but d'une articulation, c'est le mouvement, d'accord? Donc ça sert à bouger. Une articulation, c'est fait pour bouger, et donc il faut que ça puisse supporter des chocs extrêmement violents parfois, et pour autant, l'articulation va être conservée. Et ça, c'est lié aux propriétés du cartilage en particulier, et il faut imaginer le cartilage comme étant de l'eau, en fait. C'est de l'eau, et l'eau, c'est ce qu'on peut espérer de mieux comme qualité biomécanique. Simplement, l'eau, ça fuit partout, on la retient dans un filet, et ce filet, c'est du collagène de type 2, et pour retenir l'eau dans ce filet, il faut du sucre. Et c'est là où on a des protéines de très haut poids moléculaire qu'on appelle les agrécanes. Donc tout ça, ça constitue la matrice cartilagineuse. Et c'est ça qui fait qu'on arrive dans toute une vie à ce qu'il y ait des mouvements d'une même articulation. C'est quand même assez fabuleux, hein. Oui, puis notre squelette referme, je disais en préparant cette émission, 360 articulations, des zones qui nous sont vitales. Ah bah oui, on bouge, hein. L'être humain bouge. Claire Vinatier, comme c'est une maladie qui implique tous les tissus de l'articulation, on peut poursuivre ce petit topo anatomique. Oui, alors chaque tissu, comme je vous l'ai dit, fonctionne en dialogue avec les uns avec les autres. Et ce cartilage a vraiment une structure très particulière dans le corps humain, puisque les cellules ne sont pas forcément les unes à côté des autres. Elles sont un peu distancées les unes des autres par cette matrice extracellulaire qui permet à ces cellules de ressentir les contraintes mécaniques, également de se nourrir, puisque Francis a comparé ce tissu à de l'eau. Alors moi, je rajouterais que c'est de l'eau un peu sous forme de gel, comme de la jelly, mais en un peu plus ferme, ou un gel d'agarose, comme ce qu'on utilise pour faire des confitures ou des pâtes de fruits. Voilà. Et donc, ce tissu peut se compresser et avec ses mouvements mécaniques, ça permet à la fois de nourrir les cellules et de leur faire rejeter les déchets cellulaires, puisque la cellule étant un organisme vivant, elle consomme et elle produit des déchets. Voilà. Yann Cornillier. Oui, on peut dire, effectivement, on a 360 articulations, c'est plus que le nombre d'os et de muscles dans le corps humain. Et il faut dire aussi que l'arthrose concerne tout un tas d'articulations, des épaules, au niveau des cervicales, au niveau des doigts, des pieds, des genoux. Donc c'est vraiment pas que le genou ou que l'épaule, ça peut concerner n'importe quelle articulation et les douleurs, elles sont multiples. Et une des particularités, vous parlez d'eau, une des particularités du cartilage, c'est que contrairement à l'os, le cartilage se régénère peu à l'âge adulte et cicatrise difficilement. Ah oui, oui, il se régénère très très peu. Hein. Le constituant principal du cartilage, c'est le collagène, hein, le collagène de type 2. Sa demi-vie, c'est-à-dire que la vie de cette protéine, le collagène, sa demi-vie, c'est 120 ans. Donc vous voyez que son renouvellement, il est quand même particulièrement lent. En gros, on garde notre collagène, notre cartilage, toute notre vie. Hein. Même s'il y a quelques éléments du cartilage qui se renouvellent. Mais c'est très, très, très peu. Hein. Très, très peu. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vraiment le préserver. Hein. Claire Vinatier. Oui, alors c'est vrai qu'il se régénère très peu et dans des conditions extrêmement particulières puisque dans l'épaisseur du cartilage, on a différentes morphologies de cellules, différentes couches, et on sait qu'il existe des cellules chondroprogénitrices, donc qui sont capables de reproduire un peu de cartilage, mais vraiment dans la zone superficielle de ce cartilage. Or, c'est la zone qui est la première dégradée au cours de l'arthrose. Alors, quand on parle d'arthrose, on est nombreux à confondre rhumatisme, arthrose, arthrite, polyarthrite, rhumatoïde. Je veux bien qu'on revienne ensemble sur les grandes lignes de la physiopathologie de l'arthrose, Francis Berenbaum. Oui, alors c'est vrai qu'on oppose très régulièrement arthrose et arthrite, ce qui n'est pas faux. La polyarthrite rhumatoïde, c'est pas l'arthrose, ça n'a rien à voir, c'est deux maladies qui sont complètement différentes. Il va y avoir des points communs, ça va être l'inflammation, une inflammation extrêmement importante dans la polyarthrite rhumatoïde, une inflammation plus localisée dans l'arthrose. Dans un cas, on fait intervenir beaucoup de tissus. Dans l'arthrose, on fait intervenir beaucoup l'os en particulier, en plus du cartilage. On le voit quand on fait des radios, on s'aperçoit que l'os, il est vraiment très anormal. Il y a de l'os qui se forme, ce qu'on appelle les ostéophytes. La colonne vertébrale, on appelle ça les becs de perroquet, vous savez. Et donc, l'os va intervenir vraiment dans la physiopathologie de la maladie. Dans la polyarthrite, comme la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres rhumatismes inflammatoires chroniques, en fait, c'est surtout la membrane synoviale qui va être inflammée. Il y a de l'inflammation aussi de la membrane synoviale dans l'arthrose, mais beaucoup plus dans la polyarthrite rhumatoïde qui va s'épaissir. Et donc, ça va vraiment être l'inflammation du tissu synovial qui va être à l'origine de la maladie dans la polyarthrite rhumatoïde. Pour l'arthrose, il va y avoir le facteur mécanique qui va intervenir de façon également extrêmement importante, en plus de ces éléments inflammatoires. Alors, vous voyez, c'est pas les mêmes maladies, il y a des points communs, il y a un terme anglo-saxon pour l'arthrose, le terme anglo-saxon c'est ostéoarthrite. Donc vous voyez que quand on prend ce terme anglo-saxon pour l'arthrose, ostéoarthrite dit os, donc on fait vraiment beaucoup intervenir l'os dans la maladie arthrosique. Oui, arthrose et arthrite, c'est des processus physiopathologiques différents avec des conséquences différentes sur les os. Yann Cornillier. Oui, alors ce qui fait différencier aussi, c'est l'origine de l'arthrite et de la polyarthrite rhumatoïde, c'est qu'il y a une origine quand même génétique, une origine aussi par rapport au système immunitaire qui va augmenter l'inflammation, en fait, qui va déclencher l'inflammation. Donc c'est pas tout à fait le même mécanisme que à l'origine au niveau de l'arthrose. Voilà, parce que dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc une maladie dysimmunitaire par l'immunité acquise, si vous voulez. Alors que dans l'arthrose, il y a également des éléments immunitaires, mais qui va être plus de l'ordre de ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire vraiment la réponse à extrêmement rapide, brutale, qui va entraîner ensuite des conséquences de dégradation des tissus de façon très prolongée. Donc dans les deux cas, il y a des facteurs immunitaires, mais ce ne sont pas les mêmes. Et Claire Vinatier, on l'a dit, c'est une maladie complexe, il n'y a pas une mais des arthroses aux origines différentes, donc selon la cause, on a un type d'inflammation différente aussi. Alors ça, je pense qu'on est un peu au début, parce que c'est vrai que la composante immunitaire dans l'arthrose a longtemps été, on va dire, mise de côté et ignorée malheureusement, parce qu'on a très longtemps considéré que c'était justement juste une usure du cartilage, or ce n'est pas le cas. Et donc, il y a effectivement des recherches qui sont menées actuellement pour essayer de comprendre justement si on a des différences d'inflammation, de type d'immunité qui sont impliquées dans ce qu'on observe dans l'arthrose. Et c'est notamment le travail d'une chercheuse de notre laboratoire actuellement. Yann Cornillier. Oui, ce qu'on peut illustrer pour justement illustrer ces différences d'arthrose, c'est par exemple, il y a légèrement plus de femmes qui sont touchés par l'arthrose. Et ce serait dû, a priori, à la présence de chromosome X, qui est en double donc dans les cellules de la femme. Et le chromosome X a tout un tas de gènes liés à l'immunité. Et les femmes sont trois fois plus touchées par l'arthrose que les hommes, c'est en effet parmi les facteurs de risque. On l'a pas dit, vous souhaitiez aussi réagir, Francis? Non, c'était par rapport à l'immunité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup dans plein de labos au niveau international à un type cellulaire qu'on appelle les macrophages. Et ces cellules qui sont initialement issues du sang, mais qui vont participer à de l'inflammation et en particulier également à des voies immunitaires dans l'immunité innée. On les retrouve, ces cellules impliquées dans la maladie, à différents niveaux, dans la membrane synoviale, mais également, et ça on n'en a pas encore parlé, dans un autre tissu qu'on appelle les nerfs. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est une maladie douloureuse. Et pour avoir mal, il faut des nerfs. Et tous les tissus de l'articulation ne sont pas innervés. Le cartilage n'est pas innervé. Donc, on ne peut pas imaginer que la douleur vienne directement du cartilage. Quels sont les autres tissus qui sont innervés dans l'articulation? C'est d'abord et avant tout la membrane synoviale et l'os. Et donc, ces deux tissus, il y a des nerfs. Et ben, on s'est aperçu que les macrophages, également au niveau de ces nerfs, ils vont être participants à la réaction douloureuse. Donc, c'est à la fois dans l'inflammation, en particulier au niveau de la membrane synoviale, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a des mécanismes spécifiques pour les voies de la douleur, pour essayer de comprendre pourquoi une arthrose fait mal. Oui, ce qui saute aux yeux, là, durant ces 26 minutes d'émission, c'est que les causes à l'origine de cette maladie ne sont pas du tout simples à cerner. Oui, elles sont pas simples, mais faut quand même bien voir que on les cerne quand même de mieux en mieux. Peut-être il y a 15-20 ans, pour une même émission, j'aurais été dans le sens où vraiment on connaît encore très peu de choses à la maladie, et donc il faut. Franchement, j'ai un peu le sentiment qu'on est comme dans la polyarthrite rhumatoïde il y a 20 ans, c'est-à-dire juste avant qu'on arrive à des traitements efficaces, parce que maintenant, on a quand même une vision un peu plus claire de la physiopathologie de la maladie. On commence vraiment à identifier des cibles, on va y revenir, et je pense que toutes les maladies sont complexes. Bon, donc ça, on le sait, ça n'existe pas une maladie simple. Toutes les maladies sont complexes. Mais il y a un moment donné, il faut se dire, voilà, on est à un niveau de connaissance qui peut-être maintenant nous permet d'aller vers certaines cibles et de tester ces cibles-là. C'est ce qui avait été fait pour la polyarthrite rhumatoïde il y a 20 ans avec les succès des biothérapies, des anti-TNF, etc. Là, je pense qu'on commence à être dans un cadre où on commence quand même à comprendre un peu mieux la maladie. Vous parlez de ces progrès, des derniers progrès de ces 20 dernières années. Francis Berenbaum, vous et votre équipe, vous avez aussi réussi à préciser les mécanismes d'action impliqués justement dans la dégradation du cartilage de deux enzymes. Oui, bon... En fait, il y a des enzymes qui participent à la dégradation du cartilage qu'on appelle les métalloprotéases. Donc, c'est des enzymes qui viennent dégrader l'articulation. En fait, on s'intéresse au laboratoire au lien entre les maladies métaboliques et l'arthrose. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes intéressés à une famille de molécules, d'hormones qu'on appelle les incrétines, et en particulier le GLP1. Donc, si vous voulez, on peut développer maintenant ou un peu plus tard, mais c'est comme vous voulez. Le GLP1, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'en effet, ça fait partie des solutions donc, qui sont en cours de... En gros, d'un point de vue physiopathologique, vraiment, ces enzymes qui dégradent la matrice sont vraiment des cibles intéressantes, mais au-delà de ça, il y a d'autres cibles maintenant qui sont identifiées et qui pourraient jouer un rôle pour traiter l'arthrose. Yann Cornillier ? Je croyais que vous souhaitiez réagir. On ne sait pas soigner ni retarder l'arthrose, seulement soulager la douleur. Quelles sont donc les approches thérapeutiques différentes en voie de développement pour réduire la douleur, possiblement supprimer la cause ou même prévenir la maladie? On répond à ces questions après ce blues du genou fléchi de Clarence Frogman Henry. Please forgive me if I cry, but my baby say goodbye. All I do is hope and pray that she come back home someday. She left me feeling so blue, I didn't know just what to do. If she only come back home, I wouldn't feel so all alone. tears I shed, all tears in vain. Send my baby back again. I didn't know I missed her so. Tell me why she had to go. Got to pray to you above. Send me back the girl I love. Do this for me, won't you please? I beg of you on bended knee. Clarence Foggman-Henry, On Baden Knees, à 16h31 sur France Culture. Nous parlons d'arthrose, cette maladie articulaire. Une émission en partenariat avec l'Inserm, co-animée avec Yann Cornillier, rédacteur en chef de la revue l'Inserm, Claire Vinatier, enseignante-chercheur à l'Université de Nantes, au laboratoire Hermès Médecine Régénératrice et Squelette, et avec Francis Berenbaum, chef de service de rhumatologie au CHU Saint-Antoine de la PHP. Nous venons de voir que l'arthrose affecte des centaines de millions de personnes à travers le monde. Sa prévalence ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, deux nouvelles stratégies et cibles thérapeutiques sont à l'étude. Mais avant de parler de ces pistes prometteuses, Claire Vinatier, il faut d'abord placer l'accent sur l'enjeu du diagnostic qui, suffisamment précoce, peut prévenir la maladie. Oui, alors effectivement, dans les laboratoires de recherche, on utilise des tissus provenant de patients arthrosiques et il est vrai qu'on a accès uniquement à des arthroses qui sont extrêmement avancées et de la même façon, les essais thérapeutiques qui sont menés, les essais cliniques, le sont sur des patients qui sont en attente d'une prothèse de genou, donc sur des arthroses aussi très avancées. Or, beaucoup de recherches sont menées sur des arthroses des fois précoces, dans les modèles précliniques, donc sur les animaux ou in vitro. Et ça crée un décalage finalement entre ce qu'on arrive à obtenir en recherche et ce qu'on arrive finalement à transposer en clinique. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse traiter les patients un peu plus en amont, avant que le stade de l'arthrose soit trop avancé. Francis Berenbaum. Ben oui, oui, c'est un petit peu l'image de l'iceberg, si vous voulez. C'est-à-dire que au moment où on fait le diagnostic, on est déjà sorti de l'eau, quoi. Hein, c'est-à-dire que il y a les douleurs, il y a les radios qui sont pas normales, alors que en fait, il se passe plein de choses avant. C'est ce qu'il y a sous l'eau. C'est avant qu'il y ait les signes cliniques. Et évidemment, on se dit que l'idéal serait de pouvoir agir avant que l'iceberg sorte de l'eau. Parce qu'une fois que c'est sorti de l'eau, c'est compliqué d'aller retirer l'ensemble du glaçon. Donc voilà, ça c'est un petit peu les recherches actuelles d'arriver à faire des diagnostics plus précoces. Il faut avouer quand même que pour le moment, c'est très compliqué. Même l'IRM donne des informations qui sont parfois pas assez spécifiques, hein, qui est un examen très sensible. Mais voilà, aujourd'hui, on en reste quand même à un diagnostic avec une personne qui vient parce qu'elle a mal, et puis on va lui faire une radio. Et on va trouver des signes d'arthrose. Mais voilà, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir intervenir de façon plus précoce. Ben, il y a quand même une façon d'agir de façon plus précoce. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de traitement, mais ce n'est pas vrai. Mmh. Il y a des traitements. Et les traitements, ce n'est pas compliqué à dire. Beaucoup plus à faire. C'est quand on est en surpoids, eh bien, le fait de perdre du poids va faire qu'on va limiter... Soit l'arthrose est déjà là, on va limiter l'arthrose, soit on va éviter d'en faire une. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et le deuxième point, c'est l'activité physique. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on est sédentaire et qu'on ne bouge pas, on fragilise nos cartilages, on fragilise nos articulations. Et donc le fait de bouger le plus jeune possible, ça devrait être enseigné. C'est enseigné dans les classes. Mais d'expliquer pourquoi il faut bouger, c'est vrai aussi pour nos articulations, c'est très, très important. Donc on peut agir avant même qu'il y ait des douleurs. Mais c'est des messages qui ne sont pas toujours faciles à faire passer, en tout cas pour nos articulations. Yann Cordillier. Oui, tout à fait. Pour revenir sur le diagnostic, effectivement, la problématique, c'est que les technologies actuellement, elles visualisent uniquement les os et pas les tissus mous. Donc on ne peut pas avoir une définition particulièrement précise en fait, de la maladie. Et donc, ne pas voir visuellement, au niveau clinique, les premiers signes de la maladie. Donc ça, c'est important. Il y a des recherches qui sont menées, notamment à l'Inserm, sur ça, avec des nouvelles technologies qui permettraient de mieux visualiser justement toute l'articulation dans l'ensemble de ces tissus. Voilà pour l'importance du diagnostic précoce. Quant aux thérapies, aux nouvelles thérapies actuelles, hein, thérapie cellulaire, thérapie génique, bio-ingénierie, bio-impression 3D, il y a énormément de pistes thérapeutiques. On ne pourra pas être exhaustif durant cette émission. Mais Francis Berenbaum, vous souhaitiez nous parler d'une thérapie tout à fait innovante, hein, où pour la première fois, on s'attaque à la cause du problème. Alors, ce sont les travaux que vous menez. En tout cas, on espère que ça aboutira à des résultats concrets pour nos patients, parce que ça s'appuie sur effectivement une physiopathologie. En gros, si vous voulez, on va partir du début de l'histoire. C'était il y a 10 ans, en s'apercevant que venait de sortir une nouvelle famille de médicaments contre le diabète. Curieusement, voilà, c'est parti de là. Et cette famille de médicaments contre le diabète, en fait, c'est quand vous mangez, eh bien, vous avez besoin d'insuline. Il faut que votre corps produise de l'insuline. Quand vous mangez, votre intestin, il va se mettre à produire une hormone qu'on appelle le GLP-1. Peu importe, glucagon-like peptide-1, ça fait partie d'une famille qu'on appelle les incrétines. Et ce GLP-1, il va circuler dans le sang, aller au niveau du pancréas et faire produire de l'insuline. Et on s'est aperçu que cette famille de médicaments, en plus de ses effets de régulation de la glycémie, eh bien, avait aussi une capacité anti-inflammatoire, en tout cas cardioprotectrice. Ça limitait les infarctus, en gros. Et la raison était liée à un effet anti-inflammatoire. Et donc, ce qu'on a testé initialement dans des cellules, puis après chez des animaux, c'est d'injecter ce médicament qui est aujourd'hui utilisé dans le diabète, qu'on appelle l'iraglutide. Donc c'est une famille de médicaments dans le diabète qui est très largement prescrit. Mais nous, on s'est dit, on va l'injecter en intra-articulaire pour voir s'il y a un effet anti-inflammatoire et même de régénération du cartilage. Dans les modèles animaux, c'est ce qu'on a pu observer. Et donc on est actuellement en essai clinique de phase 1 chez des personnes qui ont de l'arthrose du genou en préparant la deuxième phase qui devrait avoir lieu normalement l'an prochain, à grande échelle cette fois-ci, pour confirmer ces résultats. Donc vous voyez, ça part de résultats qui sont issus finalement de médicaments utilisés dans une autre indication. Oui, c'est ça, c'est que cette molécule GLP-1 qui est à l'origine étudiée dans le cadre du diabète, là elle a un rôle d'intérêt pour le développement des thérapies pour l'arthrose, ça c'est ce qu'on appelle la régénération de médicaments. Voilà, exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et qui, à mon sens, va se développer dans les prochaines années. Régénérer un médicament, c'est de l'économie circulaire, vous voyez. Il y a des millions de molécules qui sont produites par les laboratoires partout dans le monde et finalement qui sont jetées. C'est un gâchis monumental. Alors qu'on a des milliers de molécules qui sont utilisées comme médicaments, on sait déjà qu'ils sont sûrs, on sait déjà qu'ils sont efficaces dans d'autres maladies, eh bien, quand on a une explication, une physiopathologie bien précise, pourquoi ne pas les utiliser pour une autre indication? Et donc, c'est ce qu'on fait. Et je pense que dans le cadre d'ailleurs d'une start-up qu'on a créée, qui s'appelle Formoving Biotech, avec 4P Pharma, eh bien, on est dans cette optique de régénération de médicaments. Parce que là, franchement, il y a un, des économies à faire pour la planète. Et puis deuxièmement, eh bien, rendre service aux patients le plus vite possible. Parce que finalement, on apporte beaucoup plus rapidement des solutions pour les patients. On fait gagner du temps. On fait gagner énormément de temps à tout le monde. Autre traitement, une étude parue dans la revue Nature en décembre, qui présente avec enthousiasme une autre molécule, LNA043, une molécule qui pourrait permettre de lutter efficacement contre l'arthrose, Yann Cornillier. Oui, Jean, je ne vais pas vous parler, mais... je sais pas. Alors, le LNA043, bien ouais. Sûr, ça vient de faire l'objet d'un magnifique article dans Nature Médecine. C'est en fait une molécule qui va différencier les cellules souches en chondrocytes. Donc, en cellules du cartilage. Donc, ça va favoriser la formation de cartilage. Et donc, dans cet article, hein, c'est une molécule qui est développée par les laboratoires Novartis. Eh bien, lorsqu'ils ont injecté cela chez l'animal, ils ont effectivement observé que le cartilage se dégradait moins vite dans les modèles animaux. Et ils en ont fait même une étude chez l'homme, qui est une étude vraiment toute initiale. La première fois, on injecte cela chez l'homme. C'est également un produit qui est en injection intra-articulaire et qui est tout à fait prometteuse. Et il y a d'ailleurs un essai clinique de grande ampleur qui est en cours dans le monde avec cette molécule en injection intra-articulaire répétée, et on verra bien d'ici alors normalement pour 2024-2025 on devrait commencer à avoir des premiers résultats, et donc c'est tout à fait intéressant. Après évidemment ça vise le cartilage est un tissu qui n'est pas innervé, donc toute la question c'est de savoir si en plus de faire du cartilage, est-ce qu'il y aura un effet sur les douleurs? Ça, pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus, ni dans les modèles animaux, ni chez les personnes qui, pour l'instant, ont eu le traitement. Alors, quelles sont les autres pistes à l'étude et les pistes thérapeutiques en cours de développement pour atténuer les douleurs? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. 16h41 sur France Culture, nous parlons de l'arthrose aux côtés de Claire Vinati et Francis Berenbaum, une émission partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. Parmi les pistes thérapeutiques à l'essai, pour soulager les douleurs induites par l'arthrose, des essais en cours s'appuient, non pas sur la prise d'un médicament, mais sur la stimulation du nerf vague, qui assure naturellement la régulation de nombreuses fonctions physiologiques. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Et vous êtes allée au service de rhumatologie de l'hôpital de Saint-Antoine de la PHP pour découvrir cette technique très stimulante. Et oui, les effets antalgiques et anti-inflammatoires de sa stimulation ont déjà été démontrés avec une réduction de la douleur. Le docteur Jérémy Selam, rhumatologue, exploite cet effet pour l'arthrose de la main dans le cadre de l'essai estival. Alors concrètement, il s'agit d'un petit boîtier que le patient porte sur lui, connecté à un émetteur que l'on place dans l'oreille comme un écouteur et qui envoie des impulsions électriques de faible intensité. Cette étude en cours a déjà révélé des résultats positifs avec une nette réduction de la douleur et ouvre la voie vers une généralisation à d'autres stimulations. Alors le nerf vague, qu'on appelle aussi le nerf 10 ou pneumogastrique, c'est un nerf qui est évidemment connu de très très longue date. C'est le nerf le plus long de tout le corps, et en gros il énerve tous les tissus et les organes, et notamment ceux qu'on ne contrôle pas nous-mêmes, c'est-à-dire le cœur, le transit digestif, et le nerf vague, il va réguler la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le transit digestif. Et puis, un chercheur américain du nom de Kevin Tracy, qui est neurochirurgien à la base, s'est rendu compte que le nerf vague se connecte à la rate pour activer des voies anti-inflammatoires. Et c'est comme ça qu'au début des années 2000, il a publié dans Science un article montrant que lorsque l'on stimule le nerf vague, on limite notamment l'état de choc septique qu'il a provoqué chez des souris. Donc finalement, on s'est dit, le nerf vague régule à la baisse l'inflammation, donc on a la solution dans les patients, stimulons le nerf vague pour avoir un effet anti-inflammatoire. Lui, il l'a fait notamment dans la polyarthrite rhumatoïde en stimulant le nerf vague à l'aide d'un dispositif, d'une petite chambre implantable, donc il demande au neurochirurgien d'opérer et de mettre une petite chambre électrique au niveau du cou des patients, et nous on a adopté une stratégie externe, c'est-à-dire qu'on stimule le nerf vague au niveau d'une des branches, au niveau de l'oreille. Alors justement, vous avez développé un dispositif que vous avez là qui permet de stimuler ce nerf vague et qui consiste en un boîtier. Alors effectivement, vous voyez, c'est une petite boîte dans laquelle en fait il y a un petit boîtier qui est plutôt pas plus grand qu'un petit téléphone, qu'un smartphone, et en gros il y a quelques boutons dessus, et en fait ça c'est un boîtier qui délivre un très faible courant électrique, c'est ce qu'on appelle en médecine un TENS, et donc c'est vraiment un très faible courant. Et puis voici en fait une électrode dite auriculaire, et en fait c'est comme une oreillette en fait de smartphone qu'on se met au niveau d'une oreille, de l'oreille gauche, et qu'on connecte au dispositif, et puis on va commencer à augmenter le signal et le courant électrique, et au bout d'un moment on va stimuler électriquement la zone de l'oreille qui est innervée par le nerf vague, et comme cela on stimule électriquement le nerf vague pour espérer avoir les effets à distance, notamment sur l'inflammation et sur la douleur. Donc c'est un truc assez simple, finalement c'est un petit boîtier avec une oreillette, et puis il y a 2-3 boutons avec des réglages qui sont à faire tous les jours. Alors en fait, quand on a vu que la stimulation du nerf vague par voie auriculaire était une stratégie possible pour traiter les patients qui ont mal ou qui ont des maladies inflammatoires, on a proposé d'abord ce système à 18 patients, et là, ils avaient tous le dispositif actif, c'est-à-dire avec une stimulation, et on a vu que c'était tout à fait faisable, c'est-à-dire qu'ils tolèrent bien, on va dire qu'il y avait une bonne acceptabilité. Mais c'est pas suffisant pour montrer l'intérêt d'un nouveau traitement dans les maladies et là, dans l'arthrose des mains. Là, il faut avoir un groupe comparateur, et c'est comme ça qu'on a développé une étude qui s'appelle Estival, Festival, qui est un essai randomisé contre stimulation factice, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de patients après tirage au sort qui a le vrai dispositif, on va dire, avec l'activation électrique, et puis il y a l'autre où on fait les réglages, mais en fait, il n'y a pas du tout de courant qui est envoyé. Et le juge de paix, c'est la douleur à 3 mois, en espérant que les patients du groupe actif aient une douleur qui soit moindre que celle du groupe placebo. Dans le détail, le port de ce dispositif se fait à quelle fréquence et pendant quelle durée ? Dans l'étude pilote, on avait mis 1 heure, mais on voyait que c'était un peu long. Et on s'est rendu compte qu'on peut vraiment avoir un effet sur le nerf vague en stimulant moins longtemps. Et dans cette nouvelle étude, on a fait 20 minutes. Et 20 minutes, ça a l'air d'être acceptable. Moi, ce que je dis aux patients, c'est faut pas conduire, faut pas faire la cuisine, mais lire un livre, écouter la radio, regarder un film, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Et les données sont télétransmises sur un logiciel que vous avez ici, que vous centralisez, ou comment ça se passe ? Alors, on a des données de quantité d'utilisation du dispositif, parce que ça, nous, il faut qu'on sache dans cette étude si les patients ont été ou non observants. Et donc, on va savoir jour par jour si le patient numéro tant a utilisé le dispositif comme on le lui a dit 20 minutes par jour. Donc, j'aurai la réponse plus tard de savoir si, et ça c'est très important pour l'acceptabilité. Et on espère geler notre base de données avant l'été pour faire les analyses et pour savoir si le traitement marche sur les différents critères qu'on a déjà déterminés. Justement, dans l'analyse des résultats que vous êtes en train de compulser, comment on arrive à quantifier finement le seuil de douleur ou de tolérance des patients en bénéficiant de ce dispositif, vu que c'est assez subjectif ? C'est subjectif, mais on se rend compte quand même qu'à l'échelon du patient, quand on demande à un patient de 0 à 10 comment il a mal et qu'on fait ça dans le suivi, il est son propre référent. Donc, on va dire que c'est quand même finalement quelque chose d'assez fiable et toutes les études s'accordent à dire qu'une douleur qui n'est pas considérée comme tolérable par un patient, c'est une douleur cotée au-delà de 40 sur 100. Donc vous voyez, par exemple, les patients, pour pouvoir les inclure dans l'étude, il fallait qu'ils aient une douleur d'au moins 40 sur 100. Et après, on leur a demandé d'ailleurs dans cette étude tous les mois quel est leur niveau de douleur. On leur a posé d'autres questions. Est-ce que vous êtes moins gêné ? Il y a tout un tas de questionnaires. Il y a aussi des prises de sang qui ont été faites. Et avec tout cela, on pourra déterminer si le traitement marche ou pas avec ce que l'on appelle les critères primaires et les critères secondaires. Est-ce que on pourrait envisager l'adaptabilité de ce dispositif à d'autres pathologies ? S'agissant d'un dispositif qui cible l'inflammation et la douleur, on pourrait le décliner dans tout un tas de pathologies. Le dispositif implantable, il est essayé actuellement dans la maladie de Crohn, dans la polyarthrite rhumatoïde, mais celui-ci qui est appliqué au niveau de l'oreille, on pourrait l'envisager notamment dans certaines maladies auto-immunes douloureuses, dans la fibromyalgie, dans la spondylarthrite. Et je sais qu'il y a des études en cours dans les migraines, dans les algies de la face. Donc effectivement, dès qu'il y a de l'inflammation, dès qu'il y a de la douleur, en tout cas, ça mérite d'être étudié. Il y a également en cours actuellement un essai dans le Covid long avec des patients qui se plaignent de tout un tas de symptômes qui pourraient être justement régulés par l'activation du nerf vague. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Une réaction Francis Berenbaum ? C'est là qu'on voit quand même le chemin parcouru entre l'arthrose et de l'usure. Et puis aujourd'hui, on teste des dispositifs qui sont très loin de l'articulation, en se disant qu'il va y avoir éventuellement une action anti-inflammatoire au niveau des articulations, en stimulant un nerf. On voit quand même la progression dans les connaissances de la maladie. Alors, on verra bien, ça marchera pas. Mais en attendant, d'aller jusqu'à avoir une base pour pouvoir tester ce genre de dispositifs, ce sont quand même des avancées incroyables. On arrive à la fin de cette émission, mais je voudrais pas vous quitter, Claire Vinatier, sans avoir aussi votre regard sur les pistes de traitement actuelles qui sont prometteuses, selon vous. Oui, alors on vient d'aborder la douleur, et puis surtout dans le reportage, on a vu qu'il y avait effectivement une inclusion de patients qui présentent un seuil de douleur élevé. Et donc, quelque part, il y a une sorte de tri qui est fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe actuellement dans la recherche sur l'arthrose, c'est de mieux identifier quels patients vont pouvoir répondre à certains types de traitements. Et donc, c'est ce qu'on appelle la stratification des patients. C'est quelque chose qui est déjà fait énormément en cancérologie, puisqu'on identifie des types de cancers auxquels on peut appliquer un type de traitement. Et c'est ce qui se développe actuellement dans la recherche sur l'arthrose, c'est de mieux caractériser les patients afin de leur proposer le traitement qui sera potentiellement le plus efficace pour eux. Et notamment dans les recherches thérapeutiques, les inhibiteurs de Wnt, le récivivint, qui sur une première étude clinique n'a pas été très performant, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des sous-types de patients qui répondaient plus favorablement. Et donc ça va dans le sens justement de mieux identifier les patients, de mieux les caractériser et de mieux connaître peut-être les origines, peut-être de remonter aux origines du développement de la maladie chez ces patients-là grâce à cette stratification pour leur proposer des thérapeutiques qui seraient un peu personnalisées ou en tout cas mieux ciblées et du coup plus performantes. Mais c'est ça, il n'y a pas une thérapie type et on va médecine de précision. Et là, on rejoint le fait qu'il y a effectivement plusieurs arthroses et donc qui nécessiteront peut-être plusieurs traitements. Francis Bernbeau. Oui, dans les pistes thérapeutiques, l'une qui est explorée également et qui fait beaucoup de bruit, hein, à juste titre, c'est ce qu'on appelle les cellules souches. Vous savez que les cellules souches, on en parle dans de nombreuses pathologies et dans l'arthrose également. Initialement, en partant de l'idée que les cellules souches vont refaire des cellules de cartilage pour aller refaire du tissu cartilage, quoi. Les cellules souches, c'est fait pour aller faire des tissus. En fait, on s'est aperçu que probablement dans l'arthrose, lorsqu'on injecte des cellules souches dans l'articulation, elles vont se mettre à produire des molécules anti-inflammatoires, peut-être même pour faire ralentir un petit peu la dégradation du cartilage. Mais en tout cas, il y a un gros essai européen qui est en cours, en tout cas on attend les résultats prochainement, qui a été piloté par une équipe INSERM de Montpellier de Christian Jorgensen, qui s'appelle Adipoa. On en attend bientôt les résultats, c'est une grosse étude européenne, mais c'est pour montrer que, également dans le domaine de la thérapie cellulaire, dans le domaine de la thérapie tissulaire, il y a des tentatives également pour essayer soit de prévenir la maladie, soit essayer d'avoir des nouvelles pistes thérapeutiques dans le domaine, donc énormément d'innovation. Et voilà, ces données de phase 3 du projet européen Adipoa sont attendues pour 2023. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un mot pour vous signaler un événement, une INSERM du 11 au 23 mai auront lieu à Grenoble les Journées Nationales de Rhumatologie et je vous rappelle... C'est un événement de la Société Française de Rhumatologie. Oh, ben merci beaucoup En tout cas, en ce qui concerne la revue de l'INSERM, il faut quand même vous rappeler qu'elle est disponible par abonnement gratuit et par envoi postal. Merci encore. Il est temps de retrouver Étienne Klein et sa chronique « Le pourquoi du comment ». L'espace et le temps existent-ils tout seuls comme des grands ? Isaac Newton croyait à la réalité substantielle de l'espace et du temps. Selon lui, l'espace et le temps sont chacun une substance particulière, ce qui signifie qu'ils pourraient exister même si rien d'autre n'existait. L'espace, au sens de Newton, constitue donc une sorte d'arène autonome et absolue, existant par elle-même préalablement aux objets, mais capable de les accueillir en son sein. Newton écrit « L'espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure toujours similaire et immobile. » Fin de citation. Leibniz, lui, contestait cette thèse en affirmant que l'espace n'a pas d'existence réelle en dehors des objets qu'il permet de relier. Il serait en somme secondaire par rapport aux choses matérielles. Selon Leibniz, le monde est d'abord constitué d'objets physiques, sans qu'on puisse prétendre aussitôt que ceux-ci sont dans l'espace. L'espace ne les précède pas et ne se suffit pas à lui-même. Il n'apparaît que secondairement aux objets pour exprimer leur relation de contiguïté. Leibniz raisonnait ainsi. S'il existait un espace absolu, pourquoi Dieu l'aurait mis ici plutôt que deux pieds plus loin ? Et si le temps était également absolu, pourquoi Dieu aurait-il créé le monde à tel moment plutôt qu'à tel autre ? Nulle raison ne permettant de répondre à ces questions, les hypothèses associées à ces questions devaient, selon lui, être abandonnées. Ni l'espace ni le temps ne sauraient être absolus. Qu'est-ce que la physique contemporaine dit de tout cela ? La réponse n'est pas très claire. À l'instar de la mécanique de Newton, la physique quantique met en scène une conception substantialiste de l'espace. L'espace est décrit comme un ensemble de points possédant des propriétés prédéterminées et invariables. Dans ces théories, le contenant des événements, c'est-à-dire selon les cas, l'espace ou l'espace-temps, est comme de marbre. Il ne réagit jamais à ce qu'il advient de son contenu. Mais la question n'est pas tranchée pour de bon, car cette façon de décrire le contenant de l'univers n'est pas celle que retient la relativité générale qui décrit la gravitation. Cette théorie figure la gravitation comme la manifestation physique de la courbure de l'espace-temps. Celui-ci n'est plus une substance statique, immuable, qui serait régie par les principes de la géométrie d'Euclide enseignée à l'école, mais plutôt une structure élastique, semblable à de la gelée. Elle est capable d'onduler, de trembloter, et se trouve déformée par la matière et l'énergie qu'elle contient. Autrement dit, cette théorie, la relativité générale, met en scène une structure non plus substantielle, mais relationnelle de l'espace-temps. Les relations spatiales ne sont plus fixées a priori, au sein d'une substance particulière qui serait l'espace-temps, car la géométrie n'est ni préalablement déterminée, ni invariable. Elle dépend des quantités de matière et de rayonnement présentes dans l'univers. Dans ce cadre, on ne peut plus penser de façon complètement séparée l'espace-temps et les événements qui l'accueillent. La physique quantique et la relativité générale concernent des domaines ou des situations qui, dans notre environnement, ne se recouvrent pas pour une raison simple. La gravitation est une force extrêmement faible, qui ne domine que pour les objets massifs, étendus, saturés de matière et d'énergie, tandis que les effets quantiques tendent à se brouiller et à se dissiper quand la taille des objets augmente. Mais, point capital, une telle séparation des champs d'action respectifs de la physique quantique et de la relativité ne pouvait avoir cours dans l'univers primordial, car celui-ci était alors à la fois de toute petite taille et gorgé d'énergie. Les dimensions de l'univers étaient si minuscules et les énergies si colossales que la matière et l'espace-temps se mélangeaient tant et si bien qu'aucune théorie physique n'est aujourd'hui en mesure de traduire cette situation avec exactitude. Les théoriciens qui tentent de décrire cette phase ultra-chaude et ultra-dense s'autorisent toutes les conjectures. À toute petite échelle, l'espace-temps serait discontinu plutôt que lisse, ou bien posséderait plus que quatre dimensions, ou encore serait déductible de quelque chose de plus profond que lui, qui ne serait pas un espace-temps. Se trouve ainsi relancé en de nouveaux termes le débat qui opposa Leibniz à Newton voilà plus de trois siècles. L'espace-temps accueille-t-il les événements ou en émane-t-il ? Est-il une entité à part ou bien s'appuie-t-il sur quelque chose de plus fondamental que lui-même ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Mariam Ibrahim, Céline Lozen, Nafi Terrasse. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Nicolas Bonny. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd, chiche. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.